Quand ils allaient du côté de nos gens, ils avaient en face un pâté de maison s'inclinant quelque peu. À droite, l'église apparaissait derrière les moulins de bois dont les vannes étaient fermées. Et, à gauche, les haies d'arbustes le long de la rive terminaient des jardins que l'on distinguait à peine. Mais, du côté de Paris, la grande route descendait en ligne droite et des prairies se perdaient au loin dans les vapeurs de la nuit. Elle était silencieuse et d'une clarté blanchâtre. Des odeurs de feuillage humide montaient jusqu'à eux. La chute de la prise d'eau, 100 pas plus loin, murmurait avec ce gros bruit doux que font les ondes dans les ténèbres. Des lauriers s'arrêta, il dit. « Ces bonnes gens qui dorment tranquilles, c'est drôle. Patience, un nouveau 89 se prépare. On est là de constitution, de charte, de subtilité, de mensonge. Ah, si j'avais un journal ou une tribune, comme je vous secourais tout cela. Mais pour entreprendre n'importe quoi, il faut de l'argent. » Quelle malédiction que d'être le fils d'un cabaretier et de perdre sa jeunesse à la quête de son pain. Il baissa la tête, se mordit les lèvres et il grelottait sous son vêtement mince. Frédéric lui jeta la moitié de son manteau sur les épaules. Ils s'en enveloppèrent tous deux et, se tenant par la taille, ils marchaient dessous, côte à côte. « Comment veux-tu que je vive là-bas sans toi ?» disait Frédéric. L'amertume de son ami avait ramené sa tristesse. J'aurais fait quelque chose avec une femme qui m'eût aimé. Pourquoi ris-tu? L'amour et la pâture est comme l'atmosphère du génie. Les émotions extraordinaires produisent les œuvres sublimes. Quant à chercher celle qu'il me faudrait, j'y renonce. D'ailleurs, si jamais je la trouve, elle me repoussera. Je suis de la race des déshérités, et je m'éteindrai avec un trésor qui était de strass ou de diamant, je n'en sais rien.